Elles sont souvent bien alignées, comme des souvenirs un peu usés. La poussière et la saleté les accompagnent depuis des années. On les retrouve dans les entrées, sur les commodes ou les cheminées. Exposées comme des trophées qu'on a gardés toutes ces années. On les regarde sans y penser, on ne les voit plus, on est blasé. On se dit qu'un jour faudra les jeter, c'est vrai qu'ils sont moches et démodés. Mais les années passent et ils sont toujours à leur place. Ils font partie de la famille, ce sont des bibelots de compagnie. Les bougies, la boule à neige, la boîte à dents de Nadège. Le masque africain ramené l'an dernier par les cousins. Des bibelots du monde entier à faire pâlir les musées. Vitrine d'une vie mouvementée qu'on explique aux invités. On fait semblant s'y intéresser, mais nous aussi on a les mêmes, on a gagné. À Noël on les remet en évidence pour pas choquer ceux qui pensent que ces objets ont une vie une fois posés. Et dans le grenier c'est bien aussi, ça décore, ça fait joli. Mais les années passent et de plus en plus ils s'entassent. Il n'y a plus vraiment d'espace, mais chaque objet a sa place. Le bilboquet, les boules chinoises, la pendule sur une ardoise, la statuette, le brûle-parfum qu'on allume à la Saint-Glinglin. Mais les années passent et tous ces bibelots qui s'amassent, c'est une vraie menace pour la moindre petite place. Mais les années passent et ils me suivent à la trace et tentent d'occuper le moindre centimètre carré. Mais les années passent et toutes ces conneries qui m'agacent. Allez, demain c'est sûr, je balance tout, sauf la petite tasse.